franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un gros mensonge. Le jour où l'on nous a fait prendre de la viande de cheval pour de la viande de bœuf. C'est le scandale qui a défrayé la chronique dans toute l'Europe en 2013, mieux connu en France sous le nom d'affaire Findus ou Spanghero. Vous allez remarquer, à chaque scandale alimentaire, c'est la même mécanique qui se met en marche. Les consommateurs sont surpris, inquiets. Les grandes distributions jouent l'étonnement, les politiques s'insurgent, puis annoncent de nouvelles mesures de contrôle. Tous, de concert, concluent par la même promesse, plus jamais ça. Et au lendemain de la tempête, quand la vague est déjà loin, la petite ritournelle recommence en attendant la prochaine crise. Alors aujourd'hui, allons au cœur de ce monde de l'agroalimentaire et dans ces cuisines à viande qui approvisionnent chaque jour nos supermarchés. Durant ces semaines de crise, les Français ont découvert ce marché mondial qui a généré une production de 308,5 millions de tonnes en 2013 et dont les Français consomment par tête près de 66 kilos par an. Gigantesque. Mais d'où viennent toutes ces viandes? Comment les industries agroalimentaires arrivent-elles à proposer chaque jour de nouvelles promotions et des plats cuisinés à des prix toujours plus bas? Pourquoi nous fait-on avaler n'importe quoi? C'est le cas de le dire. Pour en parler, après le récit, nous recevrons en seconde partie Benoît Hamon, qui s'est retrouvé en pleine tempête en tant que ministre de la Consommation à l'époque. Nous reviendrons avec lui sur cette crise et sur ses conséquences. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, coordination Christophe Barère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Alain Gadan. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bon, il est bien certain que si tous les hommes mangeaient la viande qui leur est en principe nécessaire pour leur santé, nous aurions un déficit de viande extraordinaire. Et maintenant, d'ores et déjà, dans un certain nombre de préparations culinaires, de pays très riches, j'insiste là-dessus, pour commencer, on mange ce qu'on peut appeler des viandes artificielles. Est-ce que ces viandes artificielles ont aussi le goût de la vraie viande ? La chimie a fait des progrès considérables, et nous pouvons savoir dans des fromages, dans des viandes, dans d'autres produits, dans le beurre, les substances chimiques, qui sont à dose très faible dans ces produits naturels, qui donnent des goûts. Et par conséquent, les connaissant, on peut les extraire et on peut les remettre dans ces viandes artificielles pour nous donner l'illusion plus ou moins justifiée de tel ou tel goût. On fait du jambon, on fait du beefsteak, on fait ce qu'on veut avec ces goûts-là. Il s'agit de nourrir des hommes, de les empêcher de mourir de faim. Je pense que ces considérations gastronomiques doivent au moins pour une part céder le pas devant des considérations purement diététiques et physiologiques. Se plonger dans les archives, c'est tomber sur les rêves de nos chercheurs, les espérances de nos pères, et c'est parfois trouver la source de nos erreurs passées. Les mots que vous venez d'entendre sont ceux de Raymond Février, ponte en son temps de l'Institut National de la Recherche Agronomique. En 1970, dans ce magazine de l'ORTF, il imagine la viande de demain. Une viande artificielle, produit de la science et des bonnes intentions, capable de nourrir l'ensemble de la planète. Cette projection est désormais réalité. Aujourd'hui, nos sociétés dites modernes permettent de manger, produire de la viande pour tous, partout et tout le temps. L'alimentation est devenue une industrie orchestrée, fragmentée, dominante. Tout a commencé à la fin du 19e siècle aux États-Unis, dans la ville de Chicago. C'est là-bas qu'on inventa l'abattoir moderne, avec la Disassembly Line, littéralement la chaîne de désemballage. Sur le sol de ces hangars, le sang coule à flot. De salle en salle, on découvre la découpe industrielle. Ici, des porcs, ventre ouvert, roulent en file indienne. Là, ce sont les carcasses de vaches suspendues qu'on découpe à la chaîne. Chacun est à sa place, chacun reproduit son geste, le couteau à la main. Aujourd'hui, cette idée semble commune. Pourtant, elle a révolutionné notre système de pensée et nos sociétés. À la fin du 19e, dans les hangars de Chicago, le boucher est devenu un ouvrier, le rouage d'une industrie, celle de la viande. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ce balai d'hommes et cette organisation qui inspira M. Ford et la chaîne d'assemblage de sa voiture mythique, la Ford T. France, il faut attendre les lendemains de la guerre et le retour du général de Gaulle pour que l'élevage et l'abattage industriel se mettent en place. Après deux lois sur l'orientation agricole, l'Assemblée nationale vote en 1965 une modernisation du marché de la viande, puis, un an plus tard, une grande loi sur l'élevage qui installe l'idée de rendement dans la production bovine. Ces lois suivent les orientations de la politique agricole commune mise en place en 1962, avec pour objectif d'accroître la productivité agricole, de stabiliser les marchés et d'assurer des prix raisonnables aux consommateurs. C'est le temps des Trente Glorieuses, de la modernisation des transports, de l'énergie bon marché, de nos centrales nucléaires, de l'émergence d'un temps où désormais chaque continent se rapproche peu à peu par le jeu de l'import-export. Les campagnes se structurent autour de grandes exploitations et les villes s'étalent, se réorganisent. Comme le symbole d'un temps révolu, un jour d'été 1971, le pavillon des Halles est détruit pour ouvrir le ventre de Paris aux voitures et aux supermarchés. À Châtelet, désormais, on n'entendra plus les approvisionneurs, les maraîchers, les vendeuses de fleurs et les bouchers. Ces années-là, c'est aussi le début de la généralisation des hypermarchés, de l'explosion de la grande distribution. Pour une majorité de Français, faire ses courses se déroule désormais dans des halles modernes, paradis de la consommation rapide et bon marché. De rayon en rayon, la viande est partout, en barquette, bien sûr, on trouve du beefsteak, des entrecôtes, du steak haché ou des rôtis, mais aussi dans les plats cuisiniers, lasagne, tortellini, pizza, couscous, cassoulet, blanquette, plats cuisinés, faits quelquefois par des cuisiniers, nous dit-on. La viande artificielle de Raymond Février est devenue notre quotidien. Mais ce dont Monsieur Février ne parlait pas en 1970, ce sont des risques engendrés par de tels choix. Après la vache folle, les poulets, la dioxine, le veau aux hormones, la grippe aviaire, les steaks contaminés, la bactérie E, le lait en poudre, la mélanine, l'agro-business accouche d'un nouveau scandale, le 8 février 2013, celui de la viande de cheval. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Comment de la viande de cheval a-t-elle pu remplacer du bœuf durant plusieurs mois dans des plats d'une grande marque de surgelés? So shocking, en Angleterre, de la viande de cheval dans des lasagnes de bœuf. Le scandale est d'autant plus retentissant que les Britanniques ont une passion pour les animaux et notamment pour les chevaux dont ils ne mangent pas la viande. Findus du cheval dans le bœuf, les lasagnes incriminées retirées de la vente en Grande-Bretagne. Du cheval dans des lasagnes étiquetées viande bovine, Findus rappelle trois types de plats surgelés. En cause, une tromperie chez l'un de ses fournisseurs. Nous irons à Londres où le scandale a éclaté. Alors, 1. Comment en est-on arrivé là? 2. Qui sont les responsables? Tout a commencé outre-Manche, à la frontière des deux Irlandes, dans le comté de Newry. Là-bas, mi-septembre 2012, un inspecteur sanitaire signale un problème d'étiquetage et d'emballage sur un stock de viande surgelée. Les autorités des deux pays sont alertées. Des tests sanitaires sont déclenchés. Trois mois après, les premiers résultats tombent. De la viande étiquetée bœuf contenait du cheval. Le 16 janvier 2013, l'affaire devient publique. L'autorité de la sécurité alimentaire irlandaise annonce officiellement que de l'ADN de cheval et de porc ont été retrouvés dans des steaks de hamburgers vendus dans les supermarchés Tesco, Iceland, Lidl et Aldi. Les produits incriminés sont retirés des circuits commerciaux, mais ce n'est que le début. Dès l'annonce de l'affaire, chaque groupe agroalimentaire met en place des tests pour vérifier les ingrédients de ces produits cuisinés. Petit à petit, le scandale se dessine. Chez Findus Grande-Bretagne, on découvre que 29 produits à base de viande de bœuf contiennent du cheval. Le 7 février, l'agence de sécurité alimentaire britannique l'annonce aux médias et révèle même que certains plats de la marque contiennent jusqu'à 100% de viande de cheval. C'est à partir de cette date que le Horse Gate, comme l'ont baptisé les Britanniques, traverse la Manche. Alors dans toutes les rédactions anglaises et françaises, on a le même réflexe. Micro à la main, on envoie des journalistes dans les supermarchés les plus proches pour récolter les réactions des consommateurs et à chaque fois s'exprime le même effroi. On est un peu mal à l'aise le consommateur parce que finalement si on ne peut pas croire ce qui est marqué sur l'emballage, qui croire quoi? On ne sait même pas d'où viennent les chevaux, s'ils sont morts naturellement ou de maladie. On ne sait rien, on est juste censé l'acheter et le manger. C'est pas marqué là, je vois pur bœuf là. Comment peut-on savoir ce qu'il y a dedans? Comment peut-on vérifier? Dégoûtant, c'est vraiment horrible. Avec tout ce qu'on entend après... des problèmes de vache folle, etc. C'est vrai que là, on peut se poser la question du sérieux de la fabrication. Au siège de ces multinationales, comme dans les ministères, on se rappelle tous de dégâts politiques et économiques engendrés par la crise de la vache folle au milieu des années 90. Alors, chacun joue sa partition. Côté marque, Findus rappelle trois de ses produits. Ses lasagnes à la bolognaise, son hachis parmentier et sa moussaka. Le 9 février, la marque annonce le dépôt d'une plainte contre ses fournisseurs pour fraude afin de se mettre du côté des victimes du scandale. Les jours suivants, d'autres fabricants annoncent eux aussi le retrait de certains de leurs produits et promettent des actions en justice contre leurs fournisseurs. Côté gouvernement, on joue à la fois la surprise et la détermination. Au Royaume-Uni, le Premier ministre David Cameron parle d'une histoire très choquante et inacceptable. Stéphane Le Foll, ministre français de l'Agriculture, utilise la formule consacrée dans ce genre d'affaires, je le cite lui aussi, « L'enquête sera menée dans les plus brefs délais pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire ». La question, bien sûr, est de savoir s'il y a un risque sanitaire. Eh bien non, affirme le ministre délégué à l'agroalimentaire Guillaume Garot, micro de France Inter. Pour lui, l'affaire de la viande de cheval est une affaire avant tout économique. Moi, je considère qu'il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie sur la marchandise et c'est d'abord le consommateur qui est floué, qui est trompé dans cette affaire. Donc c'est inadmissible. Et nous avons décidé avec Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, de diligenter une enquête. Une enquête pour d'abord qu'on connaisse la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ensuite, qu'on établisse les responsabilités. Qui est en cause? Dans la chaîne de la traçabilité, qu'est-ce qui a failli? Où sont les dysfonctionnements? Donc, je veux connaître cette vérité pour, le cas échéant, ensuite, une fois établies les responsabilités, prendre les sanctions qui s'imposent. Pour faire face aux tromperies, après une réunion de crise avec les professionnels de la filière, Benoît Hamon, ministre de la Consommation, annonce la mise sous surveillance de la filière viande et poissons jusqu'à la fin de l'année. Le 12 février, une enquête préliminaire est ouverte à Metz pour tromperie, puis transférée au pôle de santé publique du parquet de Paris. Dès les premiers jours du scandale, plusieurs noms apparaissent dans la presse. Findus n'est pas la seule marque touchée. Picard, Nestlé, Panzani, Casino, Auchan, Carrefour, Cora, Monoprix annoncent le retrait de produits cuisinés. Dans les journaux, les Français en découvrent alors le système de fabrication et de distribution. Un système opaque, international, aux multiples intermédiaires. Nous sommes bien loin des publicités de ces marques qui vendent chaque seconde 22 kilos de plats surgelés cuisinés en France. Et quand les étiquettes de ces produits promettent des plats à base de viande, eh bien on peut se demander si c'est vraiment le cas. Little man, he walked up and down to find an eating place in the town. He looked at menu through and through just to see what a dollar bill might do. Hey, one meatball, just one meatball, one meatball. All he could get was this one meatball. He told the waiter so near at hand the simple dinner that he had planned. The guests were startled, one and all, just to hear the waiter so loudly call. Hey, one meatball, yeah, one meatball, one meatball. You get no bread with your one meatball. Little man, he felt so very bad. One meatball is all that he had. And in his dreams he can still hear that call. You get no bread with your one meatball. Hey, one meatball. Yeah, one meatball. One meatball. You get no bread with your one meatball. Yeah, one meatball. One meatball and no spaghetti. You get no bread with your one meatball. Le hachis parmentier Findus. Parce qu'il faut du temps à la viande de pot-au-feu. Le hachis parmentier, je l'ai fait. Heureusement, il y a Findus. Findus. De la viande à mijoter en pot-au-feu, pas vraiment. Dans nos usines de plats cuisinés, il n'y a pas non plus de traces de nos recettes de grand-mère. Et pour cause, dans cette industrie, la règle est simple, cuisiner des plats au coût plus bas. Pour Findus, c'est l'entreprise française Comigel qui se charge de confectionner les plats. Basée à Metz, elle est spécialisée dans la fabrication de mets surgelés pour les marques de distributeurs. Comigel travaille aussi pour les enseignes Auchan, Monoprix, Carrefour, Picard. La confection de ces plats se réalise au Luxembourg, à Capelaine. L'usine emploie plus de 200 personnes qui produisent chaque année 16 000 tonnes de plats cuisinés surgelés, dont beaucoup sont à base de bœuf. Ou plus précisément, de minerai de bœuf. Oui, minerai, vous avez bien entendu. Ce nom, assez barbare, désigne la matière première de ces plats à base de bœuf. Il s'agit d'un mélange de déchets de muscles, d'os et de collagène de vache. Bon appétit. Désormais, dans le bœuf comme dans le cochon, tout est bon, rien ne se jette, tout se transforme. Comme l'explique ce directeur d'abattoir de l'Ain dans un reportage produit par Kamikaze Productions pour l'émission Envoyé spécial de France 2, diffusée en juin 2013. Il faut tirer parti de tout. Autrefois, on avait des temps, la viande coûtait moins cher, on faisait moins attention, il y avait moins de demandes de des industriels pour ces produits-là. Donc, on était amené à rentrer à fond là-dedans, à se retourner, à trouver ramener de l'argent. Là, il fait une bavette. Il va enlever les petits morceaux, un bout de nerf. C'est toutes ces petites parures des morceaux de viande qui vont servir à rentrer dans la fabrication, ce minerai. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de viande dans ce minerai. Ben non, non, non. C'est pas grand-chose. Hein. Et alors ? Je vous dis. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut bien gagner sa vie ? Ben, il faut qu'un industriel gagne sa vie et puis que le consommateur, au final, ne paye pas un article trop cher. C'est fou ce que l'industrie a de l'imagination. On en est même arrivé à faire manger des farines animales à des herbivores. Souvenez-vous de la vache folle. On n'est plus à ça près. Mais revenons à notre minerai. Autrefois, il n'était pas vendu. Désormais, il vaut de l'or et c'est le veau d'or de l'agriculture. On le verra. Broyé, recomposé, compacté sous vide en blocs de 5 à 10 kilos, puis surgelé, ces produits sont ensuite vendus par des traders. Oui, des traders. En charge de trouver les minerais de viande selon les commandes de tel ou tel client. Leur rôle est de dénicher les quantités demandées au meilleur prix et ce prix évolue selon le pays, la composition du minerai, bœuf, cheval, poulet, mouton. En France, le prix moyen d'un kilo de cette denrée est de 3 euros, soit 5 fois moins que des morceaux dits nobles. Ce prix évolue selon les pays. Répétons-le, en Roumanie par exemple, à la sortie des abattoirs, il peut se négocier à 1 euro le kilo. Mais d'où vient le minerai utilisé pour la confection des plats Findus ? Chez Comigel, qui travaille notamment pour son client Findus, la traçabilité est une réalité. Il est très facile de retrouver qui a fourni tel ingrédient pour tel produit. Dans les plats incriminés, un seul fournisseur apparaît, la maison Spanghero. C'est elle qui a fourni les blocs de minerai de viande à son usine. Spanghero est une entreprise française située à Castelnaudary dans l'Aude. Ce sont deux stars du ballon ovale, Claude et Laurent Spanghero, qui ont lancé l'aventure. L'entreprise a deux activités, la confection de plats cuisinés et une activité de négoce de la viande. En 2013, quand éclate le scandale de Spanghero, l'entreprise n'est plus dirigée par la famille des fondateurs. En 2009, la coopérative Lurberry, avait racheté l'entreprise pour un euro symbolique. comment la viande de cheval devient-elle viande de bœuf sur les étiquettes? La société Spanghero est-elle responsable? Pour Barthélémy Aguerre, vice-président de la coopérative L'Urberie, la réponse est non, comme il l'affirme au micro de France Inter le 9 février 2013. L'Urberie n'achète pas de viande de cheval. L'Urberie est un producteur de viande, de bœuf, et de mouton et de porc. Mais l'Urberie n'achète pas de viande de cheval. Ni d'ailleurs Spanghero. Aujourd'hui, Spanghero achète de la viande UE congelée en Europe. Et là, ce qui est concerné, c'est de la viande qui a été achetée en Roumanie et qui a été vendue dans l'État à un client qui s'appelle Tavola. Et donc, si cette viande était incriminée dans l'affaire Findus, bien évidemment, nous serions victimes, considérerions que nous sommes trompés et nous porterons plainte. Si on est trompé, on est trompé par le fournisseur romain. Mais nous n'avons pas acheté de viande de cheval, nous n'achetons pas d'ailleurs de viande de cheval, et nous avons acheté de la viande de bœuf, et nous avons vendu de la viande de bœuf. Voilà, ça c'est clair. Et si, pendant ce que nous avons acheté en viande de bœuf, il s'avérait que notre fournisseur a mis du cheval, nous nous retournerions fermement contre lui. Pourtant, 5 jours plus tard, devant les micros et les caméras de l'Europe entière, c'est bien le nom de Spanghero qui revient sur le devant de la scène. Ce 14 février, Benoît Hamon, accompagné des ministres de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, révèle les conclusions de l'enquête interne des services du ministère. Pour le ministre, les premiers éléments de l'enquête sont sans appel. Lors de l'arrivée de la viande dans l'usine de Comigel, située au Luxembourg, elle était bien étiquetée « bœuf » origine Union Européenne. Donc, Comigel a bien acheté de la viande de bœuf. Le ministre retient néanmoins 2 griefs à l'encontre de la société. D'une part, l'étiquetage n'était pas conforme. D'autre part, à la décongélation, les ouvriers auraient dû se rendre compte tout de même que la couleur et l'odeur de la viande étaient différentes de celles d'une viande de bœuf. Or, c'est elle qui a servi à la fabrication de 4,5 millions de produits vendus par Comigel à au moins 28 entreprises dans 13 pays européens, notamment aux sociétés Findus en Suède, Picard en France et Tesco en Grande-Bretagne. Et pour ce qui concerne la société Spanghero, les accusations sont plus graves. Écoutons le ministre. J'en viens maintenant à la société Spanghero. Les services de la DGCCRF ont opéré des prélèvements sur les pains de viande de 25 kilos trouvés chez Spanghero et qui ont transité par le circuit de commercialisation qui est en cause. Contenait-il de la viande de cheval? Nous sommes aujourd'hui en mesure de confirmer que ces pains de viande étiquetés bœuf contiennent de la viande de cheval, et pour certains de ces pains de viande, il s'agit de 100% de viande de cheval. Les pains de viande arrivaient-ils des Pays-Bas chez Spanghero étiquetés comme viande, bœuf, origine Union Européenne, comme ils en sont sortis de chez Spanghero, avec cette étiquette-là? La réponse est non. La viande était étiquetée comme provenant de Roumanie, avec une mention « avant désossée ». Si cette viande sur les palettes était étiquetée BF Roumanie, la présence d'un code douanier à la fois sur la facture mais aussi sur la lettre de voiture attestait qu'il s'agissait non pas de la viande de bœuf mais de la viande de cheval. Pour le ministre Benoît Hamon, Spanghero savait. Le jour même, le gouvernement annonce la suspension de l'agrément sanitaire de l'établissement. Ce qui signifie que l'activité de l'entreprise est suspendue, ses salariés mis au chômage partiel. Une semaine plus tard, à la suite d'une expertise complète des procédures, la sanction est levée. Seule l'activité d'entreposage de matières premières congelées demeure interdite. Du côté de Spanghero, de micro en micro, Barthélémy Aguerre réaffirme sa bonne foi. Je vous promets que la fraude vient d'avant l'arrivée à Spanghero. On peut peut-être me reprocher d'avoir trop fait confiance. Mais on a commandé de la viande de bœuf. On a reçu de la viande de bœuf et tout le monde ici, tous mes collaborateurs, il y en a plusieurs, sont persuadés que c'était de la viande de bœuf. Ils ont travaillé la viande de bœuf et moi, je n'ai pas à m'excuser parce que j'ai été trompé moi-même. J'ai été trompé. Alors, Spanghero est-il le loup dans une bergerie ou un loup parmi d'autres? Et qui était son intermédiaire? Pour la fabrication des plats surgelés, il faut trouver de la viande bon marché, on l'a dit. C'est alors qu'entrent en scène ces fameux intermédiaires, des traders de la viande, tout le contraire d'un circuit court du producteur au consommateur. Pour ce travail de négoce, Spanghero travaille avec la société Drap Trading. Installée à Chypre, elle est dirigée par un trader néerlandais vivant en Belgique, un certain Jan Fassen. C'est lui qui a vendu la viande de cheval à la société Spanghero. Cette viande a été achetée par la société Windmeier Meat Trader, située à Breda. C'est elle qui a passé commande de viande de cheval auprès des abattoirs roumains. Nous voici sur le versant sombre de la mondialisation, vertigineux. La viande est une matière première comme le pétrole ou le blé. On achète ici, on la transforme là et on la vend partout dans le monde. En Roumanie, par exemple, les prix défient toute concurrence, comme pour la fabrication des voitures. C'est le même principe. On fait fabriquer par de la main-d'œuvre pas chère, la main-d'œuvre roumaine en l'occurrence. Et puis il se trouve que le pays se modernise. Le nombre de charrettes en Roumanie tirées par des chevaux diminue d'année en année. Beaucoup de chevaux de trait sont donc ainsi abandonnés ou vendus à des abattoirs. Vieux, malades, souvent soignés aux antibiotiques, ils représentent une manne financière pour certains esprits frauduleux. Dans un numéro du magazine Complément d'enquête réalisé par Tristan Valek, on apprend ainsi qu'en 2006 déjà, plus de 5000 chevaux contaminés par le virus de l'anémie infectieuse équine avaient été vendus à la France, à la Belgique et à l'Italie grâce à la complicité de vétérinaires corrompus. Dans ce même reportage, le journaliste interroge par téléphone le trader qui travaille avec Spanghero, Ian Fassen. A-t-il vendu à Spanghero de la viande de cheval ou de bœuf ? C'est très facile, on a vendu cheval, on a facturé cheval, on n'a pas mis bœuf sur la palette, so pour nous, l'affaire est claire. Ce que le trader ne dit pas, c'est qu'entre l'achat de la viande à l'abattoir et la vente à Spanghero, les informations sur ces factures ont évolué. En effet, à la sortie de l'abattoir, la nature chevaline de la viande est nominalement indiquée. Or, sur la facture d'Ian Fassen, seul le numéro douanier reste une série de chiffres. Jamais l'espèce de la viande n'est indiquée, on l'a dit aussi. Curieux tout cela, comme le révèle un ancien client d'Ian Fassen, toujours dans ce complément d'enquête de 2013. Il peut par là maquiller une vente de cheval en faisant croire que c'est du bœuf. En toute légalité. En toute légalité, tout à fait. Vous voyez, là, par exemple, ici, on a le cas. Là, il y a marqué maigre de tête BF, mais en dessous, il y a un code. Mais si ce code-là était un code de cheval, moi, je vois viande hachée de BF, bon, je me dis, mais il n'a pas la place de marquer bœuf, donc BF, ça veut dire bœuf. Mais c'est vrai que d'habitude, la pratique veut qu'on marque quand même l'espèce sur les factures, quoi. On ne met pas uniquement le code douanier comme sur cette facture. Bah, le code douanier, je pense que c'est à peu près le seul fournisseur qui l'émet, oui. On met, ils mettent tous en français ou en anglais, mais bœuf ou bif, mais voilà. Ian Fassen n'est pas un inconnu de la justice et des services antifraude. En 2012 déjà, il est condamné avec Hans Winsmeder, fondateur de l'entreprise Winsmeder Meat Trader, pour escroquerie. Entre 2007 et 2009, les deux hommes ont vendu des centaines de kilos de viande de cheval d'Amérique du Sud à des acheteurs français sous l'étiquette bœuf halal. L'affaire a rapporté un an de prison à Ian Fassen, mais surtout 3 800 000 euros de bénéfices. Alors, Fassen a-t-il menti à Spanghero ou Spanghero connaissait-il la nature de ces blocs de viande ? La justice n'a toujours pas répondu à ces questions. En novembre 2014, l'enquête judiciaire se conclut par la mise en examen de 4 personnes, 2 de chez Spanghero, Jacques Poujol, considéré comme le dirigeant d'entreprise, et Patrice Monguillon, directeur de l'usine de Castelnaudary. Mais aussi leurs intermédiaires, Ian Fassen, le trader néerlandais, et son associé Hans Winsmeier. Tous sont poursuivis pour tromperie aggravée, faux et usage de faux et escroquerie en bande organisée. Aujourd'hui, la décision de leur renvoi ou non en correctionnel n'étant pas encore connue. Alors, dans l'attente du procès, chacun poursuit ses activités professionnelles. Pendant cette crise, toute l'Europe est touchée. En Irlande du Nord, c'est dans des steaks hachés de bœuf livrés dans des hôpitaux qu'on retrouve du cheval. Comme en Angleterre, dans le hachis parmentier bœuf, distribué dans 47 écoles du nord-ouest du pays. En Autriche, c'est dans les tortellini qu'on a retrouvé du cheval. Au Danemark, dans les pizzas. À l'Est aussi, les agences d'autorité sanitaire de Grèce, de Russie, de Lettonie et de Pologne en signalent la présence dans des stocks de plats surgelés. Dans chaque pays, les gouvernements annoncent des nouvelles mesures. En avril 2013, la Commission publie le résultat des tests lancés à la mi-février. Sur les 4144 réalisés dans les 27 pays membres, près de 5% des produits étiquetés bœuf contenaient du cheval. Un quart de ces tests positifs proviennent de la France où, comme ailleurs, on annonce de nouvelles mesures législatives. Lors de l'ouverture du 50e salon de l'agriculture, le président de la République lui-même promet une évolution rapide sur ce point. Il y a eu ces derniers jours des interrogations, pour ne pas dire davantage, des fraudes, parce qu'il n'y avait pas l'étiquetage. Je veux qu'à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes qui sont insérées, introduites dans les produits cuisinés. Deux ans après ce scandale, qu'en est-il? Où en est l'enquête judiciaire? En France, on attend toujours la date du procès des quatre personnes mises en examen dans l'affaire Spanghero-Findus. Dans d'autres pays d'Europe, les enquêtes ont permis plusieurs démantèlements de filières. Aux Pays-Bas, par exemple, les premiers jugements ont été prononcés, dont le plus important concerne le grossiste Willy Selten. Il avait été interpellé en mai 2013 après la découverte dans ses stocks de viande de cheval étiquetée bœuf. Le 7 avril dernier, il a été condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir vendu 336 tonnes de viande de cheval étiquetée pur bœuf. Aujourd'hui, les entreprises Spanghero et Comigel n'existent plus. Chacune a changé de nom et de devanture. Mais les lobbies de l'agroalimentaire arrivent toujours à mener leur barque à bon port. La demande d'étiquetage sur les plaques usinées au niveau européen a été rejetée. Alors, aujourd'hui, sommes-nous plus à l'abri qu'en 2013? Écoutons la réponse de Frédéric Vincent, porte-parole du commissaire européen de la santé jusqu'en novembre 2014, extrait du documentaire « Voyage au bout de la viande » de Jenny Roller-Pospo et Yann Nius, produit par la chaîne MDR. La traçabilité est bien réelle. Les opérateurs du secteur doivent savoir et être en mesure d'expliquer, si nécessaire, d'où viennent les produits qu'ils ont utilisés. Alors cette information n'est pas forcément sur l'étiquette que voit le consommateur. Sinon, il faudrait une étiquette immense pour les plaques usinées. Mais l'industriel doit savoir d'où vient le produit qu'il transforme. Le système est-il parfait? Non. Puisque nous continuons de l'améliorer, peut-on affirmer avec certitude que plus jamais l'Union européenne ne connaîtra de crise alimentaire? La réponse est qu'il est très improbable qu'il n'y en ait plus. Il est probable que nous connaîtrons d'autres crises dans l'avenir. Le 4 août dernier, on apprenait dans les pages du Monde que l'autorité sanitaire russe avait identifié de la viande chevaline, mais aussi du bœuf et de la volaille dans de la farce censée être à base de porc. La filière reste donc malade, tout comme notre modèle alimentaire. Peut-on manger chaque jour de la viande à des prix discount sans courir de risque? Et continuer à consommer des tomates et des fraises toute l'année aux dépens de la planète? Imaginez la trace carbone de tous ces produits qui traversent le monde pour arriver dans nos assiettes. Mais aussi la désorganisation de l'agriculture mondiale que cela provoque, des pays qui deviennent des greniers, l'utilisation de pesticides, la monoculture, j'en passe. Comme le dit si bien Pierre Rabhi, avant, quand on se mettait à table, on se souhaitait bon appétit. Aujourd'hui, il faudrait plutôt se souhaiter bonne chance. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one. On a horse with no name, it felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Avec notre invité Benoît Hamon, qui était ministre de la Consommation à l'époque des faits, aujourd'hui député PS des Yvelines, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de cet épisode que vous avez vécu aux premières loges, hein, puisque vous étiez ministre. Quels souvenirs vous en gardez déjà? Moi d'abord, de la surprise de voir apparaître une tromperie à aussi grande échelle. Vous avez rappelé tout à l'heure les chiffres, mais ça concernait... pas moins de 4,5 millions de plats cuisinés, une fraude qui durait depuis plusieurs mois, et qui concernait, qui pouvait toucher plusieurs filières, parce que dès lors que la viande rentrait en France, elle était distribuée, on le voit, tout ça, il y avait une porte d'entrée, mais ça finit dans 13 pays, 4,5 millions de plats, donc c'était considérable. Et ça nous a permis de mettre à jour une filière, en tout cas où il y avait une tromperie économique avérée, et de mettre sous surveillance l'ensemble de la filière viande et poisson, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais aussi le poisson, parce que des risques de substitution d'espèces existent aussi dans le domaine des plats préparés à base de poisson, et finalement d'assainir cette filière agroalimentaire. Bon, le mot est peut-être un peu excessif, assainir, mais en tout cas le purger de ces pratiques délictueuses de tromperie économique qui, si elles n'avaient pas de conséquences sanitaires néfastes, était une tromperie économique qui permettait à ses auteurs de réaliser une jolie plus-value sur le dos des consommateurs. Alors comment on prend la chose quand on est ministre et qu'on représente l'État qui est à la fois garant de la santé publique, même si vous dites qu'il n'y a pas de problème de santé avéré, les équilibres économiques, peut-être même aussi les équilibres politiques, comment on fait pour s'en sortir? On s'appuie sur une administration déjà compétente. Oui. Et là, je crois qu'elle est particulièrement compétente. Oui. La France a la chance d'avoir, avec la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, une très très belle administration. C'est un peu plus de 2000, entre 2000 et 3000 aujourd'hui fonctionnaires, qui assure le contrôle de la loyauté des informations, du bon fonctionnement d'un restaurant, de son respect de la loi. Bon, bref, une multitude de contrôles, vous les trouverez dans les supermarchés, sur les aires de loisirs, bon bref, un peu partout, et ils font ce travail qui est un travail quotidien. Également sur Internet pour vérifier que, pour lutter contre la fraude et la prévenir, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui de fraude sur Internet. Et cette administration s'est mise assez rapidement au travail et dispose d'un service spécifique d'enquête qui s'appelle le SNE, qui sont des enquêteurs spécialistes justement dans le domaine de la tromperie économique, et qui sont ceux qui ont mis à jour ce qui ne sautait pas immédiatement forcément aux yeux des premiers enquêteurs, ont mis à jour le fait que le code douanier qui figurait sur les étiquettes des pains de viande qui arrivaient chez Spanghero était un code douanier cheval, et qu'il, au moment où la viande sortait de chez Spanghero, l'étiquette était un code douanier, comportait un code douanier bœuf. Et donc il y avait là une substitution de code douanier qui, à défaut de garantir que Spanghero délibérément trompait ses clients, en tout cas fournissait de sérieux indices sur une tromperie économique dont les dirigeants de Spanghero, et pas les salariés, auraient été à l'origine, en lien avec leur fournisseur, le néerlandais Monsieur Jan Fazen. Et là, vous mettez en place, donc, première mesure, mise sous surveillance de la filière, ou de plusieurs filières poissons aussi, parce que, alors, on va y revenir. On a fait des prélèvements aléatoires sur toute une série de plats préparés. On a ce qui est la mise sous surveillance pour réaliser des tests ADN, voir quelles filières étaient touchées. Mmh. Est-ce qu'il y avait d'autres filières de transformation de viande qui entraient en ligne de compte dans la préparation de plats cuisinés qui étaient concernés en dehors de celle-ci, parce que celle-ci partait de Roumanie, passait par un intermédiaire, Monsieur Fazen, qui vendait à Spanghero. Spanghero a fourni un peu plus de 538 tonnes de viande de cheval à Comigel. Comigel cette société, elle préparait les plats, et les plats ensuite étaient distribués et commercialisés par plusieurs marques, vous les avez évoquées tout à l'heure, Findus, Picard, etc. Mais il s'avère aussi que Spanghero, pour sa propre vente, pour son propre usage, a commercialisé elle-même, pour, notamment dans la préparation de saucisses, plus de 250 tonnes aussi de viande de cheval. On s'est aussi rendu compte que M. Fazen avait vendu 800 tonnes de viande à une société qui se situait dans les Alpes de Haute-Provence, qui s'appelait Gelalp, et qui, elle, a été trompée, n'était pas complice de M. Fazen, mais elle aussi était trompée, et ensuite, par négligence en termes d'autocontrôle, aurait dû sans doute vérifier davantage s'il n'y avait pas substitution d'espèces, mais a elle-même vendu, alors là, à ses dépens, du cheval à la place du bœuf. Donc on a effectué ces vérifications, on a surtout transmis les informations dont on disposait au parquet, et une fois qu'elles étaient transmises au parquet, le parquet a saisi le SNE comme administration ou service d'enquête expert à ses côtés, mais là le ministre passe la main, puisque dès lors que la justice s'en est saisie, moi l'enquête m'a échappé, j'avais fourni les éléments au parquet, elle est d'ailleurs toujours sous la responsabilité du parquet, et je crois qu'il y a un certain nombre de réquisitions qui ont été prononcées, il va y avoir... Et on attend. Hein, on attend, mais... Le renvoi voilà. Ou non. Bon. Quand un ministre intervient, alors là je me mets un peu dans l'intimité de la fonction de ministre, on a souvent l'impression que les ministres veulent d'abord rassurer la population, c'est leur premier but, c'est ça. Pas d'éteindre l'incendie, hein, mais rassurer. C'était quoi votre démarche, vous, quand vous êtes intervenu? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en tant que ministre? C'était quoi votre rôle? Un double impératif. Faire la lumière sur ce qui s'était passé, on le devait aux consommateurs, à nos partenaires européens, et tous les regards étaient tournés vers la France, et nous disposions d'une information qui suffisamment épaisse, dense, robuste, qui montrait la tromperie économique en France. Donc, la première chose, c'était ça. Mais la deuxième chose, c'était de ne pas mettre en péril tout le secteur agroalimentaire français, notamment celui qui loyalement fait son travail, où quand on transforme du bœuf, il s'agit bien, et qu'on vend du bœuf, il s'agit bien de bœuf. Mmh. Et parce qu'il y avait des milliers d'emplois à la clé, sinon des dizaines de milliers, et il y avait donc à tout mobiliser, tout mettre en œuvre pour à la fois faire la lumière, ce que nous avons fait, et en même temps finalement purger le plus rapidement possible ce secteur de celles et ceux, ou en tout cas de ces filières qui pouvaient avoir des pratiques qui étaient des pratiques délinquantes. C'est ce que nous avons failli essayer de faire. Toujours un équilibre compliqué, parce qu'à la clé, j'oublie pas qu'il y a quand même 300 salariés de chez Spanghero qui n'avaient rien à voir avec cette tromperie. Bien sûr. Oui. Qui ont perdu leur emploi, et en dépit de tous les efforts qui ont été faits par le maire de Castelnaudary, par les anciens propriétaires, notamment l'aîné des frères Spanghero qui a voulu reprendre l'entreprise, c'était très compliqué derrière, et il y a eu de la casse sociale aussi en lien avec cela. Mais il était impossible de fermer les yeux sur une tromperie qui s'était organisée pendant plusieurs mois et qui a permis, je le rappelle, hein, de réaliser un solide bénéfice à la clé pour les auteurs de cette tromperie. Bien sûr. Donc, il y a cet épisode-là. On imagine qu'il n'est pas isolé. En tout cas, il dit des choses plus larges, hein, sur l'industrie de la viande qui est devenue opaque, multiple, parfois mafieuse. Comme le dit José Bové, on va écouter José Bové, tiens, sur ce point, c'était sur le plateau du Soir 3 de France 3, donc au plein milieu de la crise, c'était en février 2013. En tout état de cause, aujourd'hui, il est clair qu'on a affaire à une véritable mafia. C'est un trafic organisé qu'on vient de découvrir, puisque ça dure depuis plusieurs mois, de nombreux pays sont concernés. Moi, je ne peux pas imaginer que les intermédiaires ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, pourquoi on met de la viande de cheval? C'est parce qu'elle est 3 fois, 4 fois moins chère que la viande de bœuf, parce que les cours du cheval se sont effondrés en Roumanie. Donc, il y avait du business à se faire, et ça se fait sur le dos des consommateurs de manière parfaitement inacceptable. Vous parlez de mafia, vous pensez à une entreprise, à un pays? Écoutez, là, pour l'instant, c'est trop rapide pour le dire. Les enquêtes vont le montrer. Mais le fait qu'on ait autant d'intermédiaires, là, on parle d'un Chypriote, un Néerlandais, qui d'autres encore, peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais il est évident aujourd'hui qu'on voit que plus les circuits sont longs entre le producteur et le consommateur, plus il y a des chances que des systèmes mafieux rentrent dans la chaîne. Et en même temps, si on ne fait pas attention à chaque niveau, quand les produits arrivent, quand ensuite ils sont emmenés à la transformation, on voit bien que le système agro-industriel a des failles et que là, il va bien falloir renforcer tous les mécanismes de vérification, pas simplement sanitaires, mais aussi d'origine. Bon, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est la face sombre de la mondialisation, parce qu'elle a aussi une face lumineuse, la mondialisation, hein, pas que des problèmes, pas que des défauts, enfin là c'est la face sombre. Et puis José Bové parle de mafia plusieurs fois. Est-ce que vous partagez cette analyse mafia? Bon, c'est une formule choque, mais qui a le mérite au moins d'être de parler clairement de ce que nous avons constaté. Oui, il y avait une filière là d'importation de viande de cheval qui était destinée à approvisionner une entreprise qui délibérément changeait les étiquettes pour réaliser un bénéfice. Donc il y avait là un réseau qui était un réseau délinquant. Alors on l'appelle réseau mafieux si on veut frapper les esprits, mais c'était un réseau délinquant, qui profitait des faiblesses de l'organisation des administrations équivalentes à la DGCCRF ailleurs en Europe, parce qu'il faut aussi le dire, il y a quelques trous dans la raquette dans ce domaine-là, de la possibilité que le marché de la viande, tout le monde peut s'improviser trader en viande du jour au lendemain et échanger des pains de minerais de viande comme ça d'un trader à un autre pour les vendre au meilleur prix ensuite. Donc il y a là une logique qui est une logique du marché qui a produit cela. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que aujourd'hui, ils sont commercialisés sous la forme de des plats préparés à des prix qui défient toute concurrence. Comme se poser la question quand on achète des lasagnes ou des cannellonis et qu'elles sont à 1,50€, 1,60€, 1,70€ le kilo, faut se poser la question de comment ceux et celles qui ont contribué à préparer et à commercialiser ces plats, comment chacun marge du producteur, celui de l'éleveur, pardon, qui vend sa viande, le transformateur qui la transforme, celui, le cas échéant, qui prépare les plats, celui qui distribue. La réalité aujourd'hui, c'est que il n'est pas surprenant, ou il sera difficile de changer fondamentalement ce qu'il y a dans votre assiette si les prix restent objectivement aussi bas. Alors, c'est pas pour augmenter les prix, mais on ne peut pas espérer avoir autre chose que ce qu'on a appelé le minerai de viande, ce qui est un agglomérat à la fois de carcasses, d'aponévrose, de tendons, etc. Donc les parties les moins nobles, celles qu'apparemment on ne mangeait pas. Et oui. Personne ne les mange. Et qui font la matière première la moins chère. Sauf que c'est ce qu'on mange le plus maintenant. Dès lors que, et qui mange par ailleurs ces plats? Ceux qui ont le moins d'argent. Bien sûr. Et donc évidemment on est là encore dans une logique où finalement une société de consommation qui réserve les produits alors qui ne sont pas impropres à la consommation, mais qui, sur le plan nutritif, sont évidemment loin d'être les meilleurs produits. Donc on a une logique économique, une pression qui est celle de la grande distribution aux fournisseurs. Alors j'allais y venir. Oui. Alors la grande distribution pousse au crime quand même dans cette affaire-là, parce que la grande distribution, son but c'est de vendre un maximum, donc à des prix les plus bas. En achetant les plus bas et en vendant avec le meilleur marge. Donc c'est pousse au crime pour toute la filière. C'est la logique, du marché, ce que nous savons être aujourd'hui la difficulté. Bon, quand nous avons hérité auparavant de négociations commerciales qui avaient été totalement libéralisées sous Monsieur Novelli et la droite. C'est qu'il n'y avait plus de règles. Et du coup, là, la loi du fort, c'est-à-dire du distributeur, s'imposait aux fournisseurs. Quand on voit la crise des éleveurs de porc, on nous reparle de ces questions-là. D'où le fait, d'ailleurs, que dans la loi consommation, on est imposé désormais que les prix ne soient pas imposés pour un an, quand les grands distributeurs les imposent aux fournisseurs, mais qu'on puisse modifier ces prix en fonction du cours de la viande, et quand les cours s'effondrent et qu'en gros les éleveurs ne peuvent plus être rémunérés à hauteur du travail qu'ils font, eh bien on puisse acheter en tout cas ils puissent changer le prix qui est facturé par la grande distribution et donc pouvoir ainsi mieux se rémunérer. Donc on a fait changer les lignes, bouger un petit peu les lignes, mais incontestablement aujourd'hui il y a une forme d'encadrement des négociations commerciales, mais cela reste fondamentalement un rapport de force plus favorable à la grande distribution qu'elle ne l'est aux petits, aux PME, aux petits transformateurs, aux industriels, même si, pour être très clair, Coca-Cola n'a pas de problème pour négocier avec Auchan, Leclerc ou Carrefour. On est entrepuissant. Parce que tout le monde veut du Coca. Ben oui. Alors, on va écouter une deuxième archive, ce sera la dernière, le témoignage de Pierre Inard, qui était un directeur qualité dans un abattoir, qui a sorti un ouvrage intitulé « Omerta sur la viande », c'est dans le fil de ce que nous disons en ce moment. Il parle des problèmes sanitaires au sein de son abattoir, mais aussi des pressions de la grande distribution sur la filière. Et c'est sur cette question notamment qu'il répond à une interview pour France Info, c'est en juillet dernier. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est plus l'éleveur qui fixe le prix, c'est l'industriel. Et il y a 40 ans, c'était l'inverse. C'est-à-dire, moi, mon grand-père, quand il allait vendre son beurre sur le marché ou sa vache sur la foire aux bestiaux, c'est lui qui fixait son prix. Aujourd'hui, c'est l'industriel qui fixe le prix. Comment ça se passe alors quand une bête part à l'abattoir? Parce que la carcasse, elle est découpée. Moi, quand j'achète un steak chez le boucher ou de la viande hachée au supermarché, c'est pas le même prix. Il y a 20 ans, quand elle partait de la ferme, le prix était fixé par le marchand de bestiaux. Aujourd'hui, la vache monte dans le camion de bestiaux destination de l'abattoir. Vous ne connaissez pas le prix. Celui qui estime si elle est grasse, pas grasse, elle vaut plus cher ou moins cher, on appelle ça un classificateur en abattoir. Et on va vous dire, bah oui, mais il a été formé, il est encadré par l'interprofessionnel, entre guillemets, l'État. Sauf que ce classificateur, c'est un salarié de l'industriel, c'est-à-dire de l'abattoir. Il a, lui, qu'un patron. Et moi, j'ai vu faire, puisque j'ai travaillé 10 ans avec la grande distribution, donc je le voyais tous les jours. Eh bien, le dernier mot, c'est le classificateur, c'est-à-dire le salarié du patron qui fixe le prix. Bon, on voit qu'en 50 ans, toute l'organisation du commerce a changé. Il y a eu la grande distribution, maintenant il y a les produits alimentaires de base qui deviennent des produits financiers. On va pas, aucun gouvernement ne peut changer le modèle économique, hein, qui est en plus mondial, on a bien compris. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut faire cohabiter avec cette pratique-là, celle des circuits courts? Hein, alors, ça on le fait pour les fruits et légumes, mais pour la viande, des circuits courts, du producteur. Il faut bien quelques grossistes, il faut bien quelques intermédiaires, mais moins qu'aujourd'hui. Est-ce que cette cohabitation-là peut apporter un élément de réponse? Sur la base du volontariat, c'est ce qu'a encouragé le ministre de l'Agriculture avec l'étiquette Viande de France, qui vous permet de choisir, même si vous constaterez aussi une différence de prix, puisque les conditions et la qualité qui est celle de la viande de France sont meilleures que celles, les conditions d'élevage, etc., les informations dont vous disposez sur le lieu d'élevage, d'abattage, etc. Donc vous avez de naissance aussi. On a aujourd'hui une viande française qui est parfois plus cher, mais aussi de meilleure qualité. Donc ça, on a déjà des informations. Le combat sur lequel nous ne sommes pas parvenus, hélas, à obtenir satisfaction, nous avons inscrit dans la loi consommation l'obligation d'étiqueter l'origine de la viande dans les plats préparés. L'origine de la viande, c'est lieu de naissance, lieu d'élevage, lieu d'abattage. Sauf que c'est un texte européen qui peut modifier cela, et le législateur français peut gesticuler autant qu'il le veut, il ne peut pas aujourd'hui le mettre en œuvre. On l'a quand même inscrit dans la loi, mais en attendant de faire bouger les lignes au niveau européen. Et une fois les feux des projecteurs éteints sur l'affaire de la viande de cheval, la bonne volonté des différents gouvernements, anglais en tête, c'est évidemment totalement disparu, et business as usual, on est revenu à la bonne vieille logique du marché. Et on peut pas dire que nous ayons été soutenus à l'époque par la commission Barroso. Je ne sais pas si la commission Juncker en fera davantage, mais elle est quand même nourrie au même sein libéral que la commission Barroso, et je ne la vois pas changer d'avis là-dessus. Mais cette obligation de l'étiquetage de l'origine de la viande dans les plats préparés, à défaut de s'attaquer aux filières, parce que c'est pas ça qui s'attaque aux filières, elle aurait donné une information aux consommateurs, obligé les industriels à mettre davantage d'informations, et aurait donc encouragé des comportements plus vertueux. On a parié, en tout cas l'Union européenne, sur davantage d'autocontrôle, c'est-à-dire le fait qu'entre les différentes étapes de transition de ces pains de viande, les entreprises vérifient bien l'honnêteté ou la loyauté des étiquettes, et donc de ce qu'elles achètent et de ce qu'elles vont vendre. Mais on est évidemment en deçà de ce qu'il serait nécessaire de faire. Je me permets de dire que pourquoi avons-nous mis sous surveillance les filières viande et poisson? Et on avait dit que ça viendrait exactement. Des informations venant des États-Unis à l'époque sur le fait qu'on observait ou qu'on constatait du côté des services américains beaucoup de substitutions d'espèces dans des plats préparés à base officiellement de thon, mais où on trouvait à la place du thon ce poisson d'élevage qu'on achète en Asie qui s'appelle le panga. Il s'achète, je peux vous assurer, beaucoup moins cher que le thon, qui n'est là encore pas, vous rendra peut-être pas malade, mais qui permet à ceux qui vous trompent de réaliser un sévère, gros bénéfice à votre détriment, vous, consommateurs. Donc, continuons à pousser le gouvernement à ce qu'on obtienne enfin l'étiquetage de l'origine de la viande dans les plats préparés. Ce sera le mot de la fin comme une morale. Benoît Hamon, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le scandale de la viande de cheval, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, ce sera au tour de Jack Kerouac, On the Road. Bonjour Elsa Boubil. Bonjour Fabrice. Jacques Kerouac, ça vous dit quelque chose? Ben, j'allais dire, ça va me plaire, ça. Bah oui, parce qu'en plus, tant de musiciens se sont inspirés de sa pensée, son œuvre. Au programme aujourd'hui, dont vous avez des classiques. Ben, on va parler de musicothérapie, de résilience par la musique, pour rendre hommage au regretté déjà Oliver Sacks, grand neurologue et psychiatre disparu dimanche dernier. Très bien, merci Elsa. À tout à l'heure.